Wish City, le grand stade. Quand siffle le ballon de Squeeball, la foule se lève. Quand siffle le ballon de Squeeball, la foule tremble. Les matchs de Squeeball sont pleins de tensions dramatiques quand on y pense. Est-ce que tel joueur arrivera à la télécouille le plus de fois possible et marquer un point, arriver dans le camp adverse? Les règles sont compliquées, mais un seul point pourrait résumer le sport national des Baif Wish. Plus il y a de la casse, mieux c'est. Oh, attention! Non, pas du tout, j'ai failli vous renverser de la bière sur les genoux. Ça, c'est pas du tout une action de Squeeball, ça. Non, pas du tout, mais... Oh mon Dieu, Stretchen passe la balle à Gershen, qui la passe à Munchen, qui passe en fin de banquouille. Coup de fin, un demi la tâche de couille. Interception de Bernick, la tâche de couille à droite, qui dit mieux? Ah, la tâche de couille à gauche, Inky. Ah oui, effectivement, vous avez dit mieux, et Samozar est à terre. Non, attendez, il se relève, c'est magnifique, il se relève. Il retombe. Apparemment, Samozar a un petit problème. Il faut dire que trois la tâche de couille, ça vous fatigue un gnome. Je ne savais pas que vous les appeliez comme ça dans l'intimité, mon cher Inky. Je ne les appelle pas, elles n'ont pas le téléphone. Le Squeeball, c'est le sport national des Baif Wish. D'ici, c'est quand même génial. On voit tout. Oui, grand dirigeant, c'est le principe des tribunes présidentielles, votre grandeur. Ouais. Ben moi je dis, c'est quand même bien cool les tribunes présidentielles, n'est-ce pas ma fille? Oui, père. C'est bien. Là tu vois, tu sors au moins. Tu ne pourras pas dire que ton père ne te sort pas. C'est vrai, père. J'ai vraiment l'impression d'être libre. J'adore le Squeeball. C'est cool, c'est bat, c'est in. C'est un sport top super, votre grandeur. Top super? Ou à l'autre? Mets-toi à la page, ministre. Comment tu t'appelles déjà? C'est quand même votre grandeur, ministre des Transports. Et toi, tu es? C'est votre intendant, père. Ah, Mila, ta mère pourrait être fière de toi. Si elle ne prenait pas autant de drogue et qu'elle se souvenait de toi. Oui, père. Mais comme vous dites toujours, lorsqu'on a le pouvoir, il est facile de succomber aux tentations. C'est vrai. Moi-même, dans ma jeunesse, je me suis tapé quelques petites... Oublie. Dans ma jeunesse, j'ai toujours été sage. Et tu dois être pareil, ma fille. Oui, père. C'est ça, père. Je t'emmerde, père. Je vomis, père. Je voudrais partir, père. C'est ce que vous pensez, mademoiselle Mila. Votre père vous aime. C'est pour ça qu'il agit comme ça, pour votre bien. Oh, un but! Magnifique! Clap, clap, applaudissons! Mademoiselle Mila? Non, c'est rien, grand intendant. Père, je dois m'absenter juste quelques petites minutes. Quoi? Pardon? Quiche? Tu restes avec ton père, Mila. La fille du grand dirigeant se doit de se montrer de temps en temps au peuple de Wish City. Très bien. En fait, je savais pas que vous vouliez que le peuple de Wish City me voie uriner dans les tribunes officielles, mais bon. C'est ça. Bien d'accord. Intendant, que deux gardes l'accompagnent. Et surtout qu'elle ne tarde pas trop. Oui, grand dirigeant. Ah, Winky, ce match est magnifique. C'est un orgasme sportif, effectivement. Chacun trouve son plaisir où il peut, Winky. Ma mère aimait bouffer des cailloux. Tu passeras pas, Squeak. Ils te laisseront pas passer. Je veux juste l'avoir 5 petites minutes. Désolé, Crozer, reprends le couloir et rejoins les tribunes ouest. Un Crozer qui veut voir la fille du grand dirigeant? On aura tout vu. Allez, Squeak, il a raison. Elle les a oubliés. Laisse tomber. Ils étaient une quinzaine, l'un à côté de l'autre, en une barrière des plus dissuasives. 15 molosses barrant l'accès aux tribunes officielles. Derrière nous, le grand couloir circulaire qui permettait d'accéder aux autres tribunes. Et quelques pas après le mur de garde, on pouvait voir des joueurs de Squeeball valdinguer dans les airs et la foule s'agiter. Et le ballon sifflait au loin. Place, place, la fille du grand dirigeant va aux toilettes. Vous êtes sûr, grand intendant, que les Baif Wish doivent être informés de ça? Non, madame, pardon, madame, c'est juste l'habitude, madame. De rester là avec tous ces ministres pour voir un match de Squeeball. Oh, j'en ai marre. Mila! Goose, elle vient vers nous. Allez, écartez-vous, vous deux. Mila! Laissez passer la fille du grand dirigeant. Mais Mila, c'est nous! Mila et l'autre gringalet en grande robe qui l'accompagnait passèrent entre les gardes. Elle nous ignorait, comme une princesse hautaine. Mila! Vous les connaissez, mademoiselle ? Eux ? Elle parut hésiter. Elle fit un pas vers nous et nous dit visage à tour à tour. De simples creuseurs ? Jamais vus. Bien. Garde ! Pardon. Garde ! Faites partir ces creuseurs. Ils n'ont rien à faire là. Elle nous ignorait. Ce soir, après le match, au cinéma Le Grand Public, j'y serai. Mais elle ne nous avait pas oubliés. Allez, on dégage, on dégage. Ça va, on a compris, hein. Pour la première fois de ma vie, j'avais rendez-vous avec la plus belle fille de Wish City. Bah, elle fouille.